Nous arrivons au moment où Léa va dézinguer pendant une minute un grand classique du cinéma, de la littérature, de la musique. Bref, c'est le moment. Et c'est la minute bashing, c'est la pantoufle dans ta gueule. Ouais, alors aujourd'hui, c'est un petit peu actu parce que la pièce de théâtre est sortie. Cette semaine, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule d'Harry Potter, le premier tome exactement, Harry Potter à l'école des sorciers. En voilà un univers à peine inventif, rétrograde et manichéen. Tout est caricatural au possible, à commencer par le meilleur copain un peu bête, la première de la classe arrogante, le concurrent de l'équipe adverse très très méchant, et bien sûr Harry Potter, une sorte de Cendrillon du dimanche. Il n'y a aucune psychologie, aucune nuance, il faudra attendre 2 voire 3 bouquins supplémentaires pour voir quelque chose de puissant en termes de développement de personnages. C'est une suite de péripéties incohérentes, si on peut appeler ça des péripéties. La vie d'Harry est archi banale. Il a une vie merdique, puis coucou hibou, il va dans une école privée, il achète des fournitures scolaires, il se fait des petits copains. Il va à la bibliothèque, il fait de l'EPS, il fait des bêtises, il est puni, et là ça s'emballe, et pouf, c'est fini. Tout est vieillot, on dirait que leur monde s'est arrêté il y a 2 siècles, improbable donc pour un enfant ou un adolescent de s'identifier à cet univers. Le twist est tellement ridicule qu'il en ferait pâlir Shyamalan. L'histoire n'avance qu'à cause d'un concierge obèse qui révèle des potins malgré lui. C'est l'une des plus grosses facilités scénaristiques que j'ai lues jusqu'à présent. On se cache souvent derrière le mot jeunesse pour justifier un style pauvre, une absence de transition et une écriture linéaire, mais la vérité c'est que c'est un livre sans ambition et sans aucune magie à l'écriture. Oh, bien joué! Et ben là, tu vas te faire des copains à nouveau. Il va te faire disparaître. Dites-nous hein, sur Twitter, hashtag Pantec, si vous aimez déjà Léa. Et si vous aimez Harry Potter. C'est quoi le hashtag? Hashtag Pantec. Arnaud a répondu tout de suite. Quelque chose.